je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas: est-ce que la mort s'en vient? Est-ce que la mort s'en va? Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, enrubannées par deux, qu'ils liront près du feu, en riant aux éclats. Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois. Ils se poussent du cœur pour être le plus triste, ils se poussent du bras pour être le premier. Ont amené des vieilles qui ne me connaissaient plus, ont amené des enfants qui ne me connaissaient pas, pensent au prix des fleurs et trouvent indécent de ne pas mourir au printemps quand on aime le lilas. Ah, je les vois déjà, tous mes chers faux amis, souriant sous le poids du devoir accompli. Ah, je te vois déjà, trop triste, trop à l'aise, protégeant sous le drap tes larmes lyonnaises. Tu ne sais même pas, sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer quand s'accroche à ton bras le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier, qui te fera pleurer bien autrement que moi. Ah, je me vois déjà m'installant à jamais, bien au triste, bien au froid, dans mon champ d'osselet. Ah, je me vois déjà, je me vois tout au bout de ce voyage-là, d'où l'on revient de tout. Je vois déjà tout ça, et l'on a le brave culot d'oser me demander de ne plus boire que de l'eau, de ne plus trousser les filles, de mettre de l'argent de côté, d'aimer le filet de maquereau et de crier vive le roi. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.